si je voulais m'en aller. Et depuis tant d'années, mais elle était là et elle ne disait pas m'emballer. Oh Mariam, Mariam, Mariam, Mariam, Mariam. On l'a porté la Tonyam. Tonyam, Tonyam, Tonyam, Tonyam. Faut que je me casse de là. Mais toujours le poing levé, toujours fait ce que je devais. Les dents frottées, le pavé, me faire la masse si vous me gavez. Je vois que tu rongis. Quatre barres, je suis azelé. J'ai rêvé d'un cassoulet, manger à Los Angeles. Tu rêves de love, yeah. La beauté tourbillon, mais c'est pas une Barbie, yeah. Je suis dans le studio.